Ovide, les Pontiques, traduction 1838, sous la direction de Monsieur Nisard, livre 1, lettre 6, à Grécinus. Quand la nouvelle de ma disgrâce arriva jusqu'à toi, alors que tu étais retenu sur une terre étrangère, ton cœur en fut-il affligé? En vain tu le dissimulerais, en vain tu craindrais d'en faire l'aveu, si je te connais bien, Grécinus. Tu fus certainement affligé. Une insensibilité odieuse n'est pas dans ton caractère. Elle est d'ailleurs incompatible avec tes études, les beaux-arts, qui sont l'objet exclusif de tes soins, corrigent la rudesse des cœurs et les adoucissent. Et personne, Grécinus, ne s'y livre avec plus d'ardeur que toi, lorsque les devoirs de ta charge et les travaux de la guerre t'en laissent le loisir. Pour moi, dès que je connus toute l'étendue de mon malheur, car pendant longtemps je n'eus pas le sentiment de ma position. Je compris que le coup le plus foudroyant dont me frappait la fortune, c'était de me priver d'un ami tel que toi, d'un ami dont la protection devait m'être d'une immense utilité. Avec toi se perdaient les consolations que réclamait mon esprit malade. Je perdais la moitié de ma vie et de ma raison. Maintenant je te fais une dernière prière. C'est de venir d'aussi loin que tu sois, secourir ma misère et aider ma faiblesse par tes conseils. Que si tu as quelque confiance dans la véracité d'un ami, tu diras qu'il fut imprudent plutôt que criminel. Il n'est ni facile, ni sûr d'écrire quelle fut l'origine de ma faute. Mes blessures craignent qu'on en approche la main. Dispense-toi de rechercher pourquoi je les ai reçues. Ne les excite pas, si tu veux qu'elles se cicatrisent. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai fait ne mérite pas le nom de crime. Ce n'est qu'une faute. Et toute faute contre les dieux est-elle donc un crime? Aussi, Grécinus, ai-je encore quelque espérance de voir adoucir mon supplice? L'espérance. Cette déesse restait sur la terre maudite, quand les autres dieux eurent quitté ce monde corrompu. C'est elle qui attache à la vie l'esclave chargé de fer, et qui lui fait croire qu'un jour ses pieds seront libres d'entraves. C'est elle qui fait que le naufragé, bien qu'il ne voie la terre nulle part autour de lui, lutte de ses bras contre la fureur des vagues. Souvent le malade abandonné par les médecins les plus habiles espère encore, alors même que son pouls a cessé de battre. Le prisonnier sous le verrou rêve, dit-on, sa liberté, et le criminel sur la croix fait encore des vœux. Elle empêcha bien des malheureux, qui déjà s'était passé au cou le lacet fatal de consommer le suicide qu'ils avaient prémédité. Elle m'arrêta moi-même lorsque je tenais le glaive, prêt à finir mes souffrances. Elle suspendit mon bras déjà levé. « Que fais-tu ? » me dit-elle. « Il faut des larmes et non du sang. Les larmes apaisent souvent la colère du prince. Aussi, quoique j'en sois indigne, j'espère encore dans la clémence du Dieu que j'implore. Supplie-le, Grécinus, de n'être plus inexorable, et par tes prières éloquentes, aide à l'accomplissement de mes vœux. Puissais-je être enseveli dans les sables de Tom, si je doute jamais de la sincérité de ceux que toi-même tu formes pour moi? Les colombes commenceront à s'éloigner des tours, les bêtes fauves de leur antre, les troupeaux de leur pâturage, et les plongeons des eaux, avant que Grécinus abandonne la cause d'un ancien ami. Non, il n'est pas dans ma destinée que tout soit changé à ce point.